qui m'a jamais dit qu'on ne devait jamais quitter l'esprit, qui m'a jamais appris que rêver était interdit. Essayez donc d'expliquer ça, les menottes au poignet, un fonctionnaire qui vous regarde d'un air ennuyé, qui m'étirait comme un piquet, va vous dire c'est ainsi. Pourquoi agrémenter, quelle folie, vos insomnies de plaisir n'autorisé que la justice condamne, de deux à dix ans, de zonzon, sans jamais de réclame. Si ma serre ressemble à la jungle dès que commence l'automne, c'est que certaines années l'hiver me semble monotone. Pas de boulot pour moi, oh non, rien de bon qu'on me donne. J'ai déjà trimé autrefois, aujourd'hui je chantonne. Moi qui ai bien mal au dos, je me demande bien pourquoi. Avec un RMI, je devrais me casser les doigts. En assurant le chichon de tous les gars de la nation, je fréchais toute la pègre et fleurir du pognon. Alors, si ma sœur ressemble à la jungle dès que commence l'automne, c'est que certaines années, enfin, faudra qu'on me pardonne. Pas de boulot pour moi, oh non, rien de bon qu'on me donne. J'ai déjà trimé autrefois, aujourd'hui je chantonne. Je fais du bio dans mon coin, bien loin de ces gens qui s'affolent de voir pousser dans mon jardin une belle herbe folle. Est-ce pour la vinaigrette? Il hume, il s'exclame, non monsieur, ça se fume et donne le vague à l'âme. Le vague à l'âme, le vague à l'âme, le vague à l'âme, il donne, il donne, le vague à l'âme, il donne, il donne, le vague à l'âme, qui m'a jamais dit qu'on ne devait jamais quitter l'esprit, qui m'a jamais appris que rêver était interdit. Essayez donc d'expliquer ça, les menottes au poignet, fonctionnaire qui vous regarde d'un air ennuyé.